vais essayer de te suivre mon bibelot. Yeah. Oui, je vais essayer de te suivre. Thank you. temps à comprendre la ligne. Je fais tout d'oreille, alors du coup, c'est dur quand on n'apprend pas. Enfin, je commence à prendre les notes sur le manche. Je suis un gros feignant. Bon, on va regarder sur les autres serveurs, c'est quelqu'un d'autre. Benji, c'est bon.